Marie des Mondoux, à toutes les filles de France. J'espère qu'elles y répondent. J'ai juré que je serai contente avant la fin de l'année. J'écris des mots doux à toutes les filles de France chaque jour. Et chaque nuit, mais à la fin de l'année, je suis encore seule dans mon lit. Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment. Quand la lune est pleine, quelle fête, quelle danse et quelle chanson se passe sans moi. Le soir commence comme une vieille chanson, mais je ne peux pas chanter. J'ai oublié la mélodie il y a quelques années. Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment, un bon moment autrefois. J'ai déjà passé un bon moment.